Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. C'est le mashup Summer 2015 Fun Radio. In the summer, in the summer. Faya Drink organise la soirée la plus monstrueuse de l'année. Halloween. Au Vieux Montmartre. Samedi 30 octobre à Kourou, commence ta soirée de la peur à l'Iguana Café. Viens déguisé, tu seras récompensé. Poursuis le périple de l'effroi à la discothèque Le Vieux Montmartre. Un accueil des plus sexy diablesses te sera réservé. Halloween. Une ambiance de terreur. Assurée par le duo Soleil et Souffrance. Dress code orange et noir. Ne manque pas cet événement. Halloween sera électrique. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor.